Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous sur la saison 2 de One Punch Man. Oui, j'ai vu la seconde saison de One Punch Man après tout le monde, mais j'ai envie d'en parler. Je vais me pencher un peu sur ce qui l'a précédé. Cette série est à l'origine un web manga amateur publié sur Internet par son créateur One depuis 2009. Yusuke Murata, connu auparavant pour avoir illustré le manga de football A-Shield 21, a découvert et fortement apprécié le webcomic. À son initiative, il a dessiné sur les scénarios de One un remake du webmanga en manga professionnel publié sur le site de l'hebdomadaire Weekly Young Jump depuis 2012. Madhouse a produit en 2015 une adaptation animée de 12 épisodes. Chacune de ces versions ont rendu le truc encore plus fou. À la base, c'est une parodie de super-héros avec Saitama, un personnage principal tellement puissant qu'il vainc tous ses ennemis en un seul coup. Ce qui fait qu'il s'ennuie et cherche des défis à relever dans un monde où il y a des tonnes de super-héros de différents niveaux partagés par une association. Le webmanga est originellement dans un style totalement amateur avec un dessin très quelconque. One s'est amélioré depuis, comme le prouve son manga professionnel Mob Psycho 100, donc il a été le scénariste et dessinateur de 2012 à 2017, mais ce n'est pas le sujet de mon propos. De toute façon, je n'ai pas lu ce manga ni vu son adaptation animée, pour le moment. Le remake est dessiné par un dessinateur plus expérimenté qui donne un visuel shonen super expressif, ce qui le rend beaucoup plus joli, tout en ajoutant à l'humour de par la différence avec ce graphisme et le scénario absurde, rendant le tout encore plus fou. Les malades de Madhouse ont rendu le truc encore plus fou avec de l'animation de malade, malgré un budget pas plus élevé que la moyenne des animés. Le sujet a dû inspirer les animateurs de chez Madhouse, qui ont su y injecter leur folie et ainsi faire un truc encore plus fucké. Encore plus fou. Fou! La seconde saison, sortie en 2019, avec un nombre d'épisodes comparable, 13 épisodes, a cette fois-ci été animée par GC Staff. Sans être nécessairement une mocheté atroce à regarder, la seconde saison n'a pas du tout le niveau de la première. Mais ça reste néanmoins une adaptation décente de la portion qu'elle adapte du manga. Elle ne préserve juste pas la tradition d'ajouter encore plus de folie par rapport aux itérations précédentes. La saison alterne grosso modo principalement entre deux intrigues qui seront éventuellement vaguement liées. D'un côté, il y a un mec expert en arts martiaux qui se décrit lui-même comme un monstre et envoie à l'hôpital les super-héros les uns après les autres, tandis qu'une armée de monstres ont décidé de se constituer eux-mêmes en association, comme les héros, dans l'intention de mettre à exécution un plan. On débute en introduisant le nouveau méchant qui semble pas mal. Il va se révéler réellement intéressant quand on l'approfondira plus loin. Pendant une bonne partie de la saison, différents personnages essaient de combattre l'armée des monstres, tandis que Saitama participe à un tournoi d'arts martiaux sous une fausse identité, afin de comprendre ce en quoi consistent les arts martiaux pour se préparer contre le monstre autoproclamé. Cela permet de se concentrer sur les personnages secondaires plutôt que Saitama. Très bonne idée pour une série aux héros trop puissants, enlevant toute tension et créant un running gag qui risque de devenir ennuyant à force, tout en permettant d'introduire de nouveaux combattants d'arts martiaux, surtout un qui risque de revenir dans la suite de la série, je présume, et tout en permettant de parodier les éternels tournois qui, ici, est totalement laissé au second plan avec des combats qu'on voit à peine. Et puis l'intrigue de l'association des monstres va venir s'y glisser. On s'attarde un peu sur l'intrigue de l'association des monstres pour temporairement passer à complètement autre chose pour la majorité des épisodes restants de la saison. On revient sur le méchant qui bat les héros. Après avoir été solidement blessé accidentellement, ce dernier devra combattre plusieurs héros. On en profite pour plus fouiller le personnage et créer une situation assez forte. Comme un peu plus tôt dans la saison, on aurait cru que la saison se serait attardée sur l'intrigue de l'association des monstres. On s'attend ici que la saison se terminera par l'affrontement entre le nouveau méchant et Saitama. Eh bien non. C'est l'intrigue de l'association des monstres qui revient en force à la toute fin, avec un monstre pas vraiment intéressant qu'on avait déjà un peu vu plus tôt dans la saison. Le dernier épisode se termine donc par un affrontement pas du tout intéressant contre ce monstre, qui se terminera de la manière la plus prévisible qui soit et n'aboutissant pas grand-chose pour aucune des deux intrigues de la saison, mais le final laisse tout de même présager des dénouements intéressants dans la suite de la série. Précipitons-nous sur le manga pour lire la suite ou attendons l'inévitable troisième saison. Au final, la deuxième saison est souvent très drôle avec un scénario très correct, bien que cela manque clairement de résolution avec une fin qui fait un peu l'effet d'un pétard mouillé, sans oublier l'animation correcte mais sans plus, extrêmement décevante si on la compare à la première saison. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, je donne une note sur 5, un 5 étant un chef-d'œuvre, un 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 étant un divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre mauvaise, et un 0 étant une nullité absolue, tel que n'importe quel combattant en comparaison avec One Punch Man. Je donne donc à la deuxième saison de One Punch Man une note de 3 sur 5. C'est amusant. Au revoir et à bientôt!